chers auditeurs tipeurs du samedi, alors comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux et par mail, une crève carabinée m'est tombée dessus. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour vos messages sur les réseaux sociaux et par mail qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, votre confiance me donne une force. C'est hallucinant. Je vous remercie vraiment de tout cœur. J'ai pas eu la force de répondre à chacun d'entre vous, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. C'est vrai que d'habitude, je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Mais je vous avoue que je suis fiévreux. J'ai le cerveau qui baigne dans le jus là, donc c'est hyper compliqué. Mais je tenais vraiment à vous remercier grandement pour ça. Et avec beaucoup de retard, je tenais quand même à vous livrer quelque chose. Alors je sais que vous allez me dire que j'aurais dû rester me reposer, etc. Et je vous remercie vraiment encore énormément pour votre bienveillance. Mais je ne pouvais pas terminer le week-end sans vous donner quelque chose par rapport à votre soutien. Ça me paraît quand même primordial. Déjà, ce sera une émission un petit peu spéciale, avec une version un petit peu étendue de cette nouvelle rubrique que je voulais vous proposer. Donc ça, ce sera tout de suite après. Vous allez voir, j'ai une voix un peu plus en forme, parce que ça avait été enregistré en amont. Maintenant, là, pour faire le reste de l'émission, je suis vraiment, vraiment, vraiment trop fracasse. J'en profite juste pour vous dire que je réfléchis à des petites choses assez sympas pour la fin de l'année, puisque je me prendrai, je pense, 3-4 jours de vacances pour souffler un petit peu aux alentours des fêtes de fin d'année. Mais dans l'idée, je vous mets dans la confidence avant pour vous remercier. Puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. N'hésitez pas. Par mail, cette fois-ci, histoire qu'on garde un petit peu le secret entre nous. Mais je compte. Alors, ça fait pas mal de semaines que je réfléchis à ça. Je pense que la dernière revue de presse donc classique de l'année, faire une émission plus grande. Voilà, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Histoire de finir en beauté, avec les résultats d'un sondage que j'ai commencé donc à façonner hier sous un Google Form pour que vous puissiez élire, ainsi que tous les autres auditeurs, élire votre jeu de l'année. Alors j'ai fait une liste non exhaustive, mais je pense qu'elle est, je pense qu'elle est pas mal. Donc ça, normalement, je balancerai sûrement ça dimanche soir ou lundi soir, voilà, et je reviendrai sur les résultats, je pense. Soit dans la dernière édition de l'année, soit début janvier, je ne sais pas. J'ai eu l'idée un peu tard, effectivement, mais je ne connaissais pas trop Google Form, mais j'ai découvert un peu tardivement. Voilà, donc vous me direz si l'idée vous plaît. Et je comptais aussi faire, pour quand même que vous ayez quelque chose à écouter pendant ces jours d'absence, faire une sorte de grand épisode best-of avec les news les plus fortes que j'ai pu traiter dans la revue de presse JV depuis le début de l'émission. Des news qui marquent un petit peu voilà, les événements de cette année 2017. Alors, c'est les idées que j'ai. Pour l'instant, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, concernant cette idée de nouvelle rubrique que je soumets complètement à votre jugement, pour voir si elle reviendra la semaine prochaine. Donc là, c'est une version longue. Vous allez voir, je vous explique ça avec une voix un peu plus énergique et surtout moins avec moins d'oursin dans la gorge. Voilà. Et donc, je vous remercie encore pour votre soutien. Merci énormément pour vos messages qui m'ont beaucoup touché. Je dis vraiment pas ça pour faire genre, mais ça, voilà, ça donne vraiment un moral d'enfer. Merci encore à vous. Voilà, je vous dis à lundi matin pour une édition avec plus de panache. Merci encore à vous, gros bisous et donc à lundi. Spécialement pour vous, chers tipeurs du samedi, j'aimerais tester une nouvelle rubrique. Alors, je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, à vous de me le dire. J'aime bien l'idée. Cette nouvelle rubrique, sous le signe du rétro, mais attention, pas du rétro classique en reprenant un vieux jeu, une vieille série. Non, là, on est dans la revue de presse JV. Et donc, qui dit revue de presse JV, dit article, interview, bref, la presse, quoi. Et j'ai envie de revenir, en fait, sur un jeu qui commence à bien dater. De revenir sur l'accueil critique de celui-ci ou les propos de son créateur à l'époque. Bien sûr, il faut que ce titre, qui commence donc à avoir un peu de bouteille, ait un rapport avec, l'actualité. Pardon. Et pour ce premier essai, j'ai jeté mon dévolu sur le tout premier Bayonetta du turbulent Hideki Kamiya. Car après là, l'annonce du troisième volet prévu sur Switch, ainsi que d'une compilation des deux premiers volets sur cette même machine, je me suis dit qu'il serait intéressant de replonger dans certaines déclarations du créateur japonais